Audiomatic. Resembling my Pour amorcer la transmission 3-7-9 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du compositeur anglais Daniel Bloomberg. Nous entendions la pièce « The World to Come » à laquelle participe la chanteuse Josephine Foster et qui est extraite de la bande originale pour le film « The World to Come » réalisé par la Norvégienne Mona Fastvold en 2020. Souvent, la musique décrit en son, en rythme et en mélodie des impressions, des sensations, des perceptions. La musique traduit des situations émotives, sociales, imaginaires que vivent ou construisent les artistes. La musique a cette possibilité de faire vivre à l'auditeur une ambiance, une atmosphère quelconque, qui prend encore plus de sens si elle se rattache à un contexte personnel ou global chez l'auditeur. À vous maintenant de découvrir et vous laisser imprégner par l'environnement sonore que nous livre à l'instant l'artiste Rhys Fulber. À Audiomatic, nous venons d'écouter la formation To Destroy a City avec la pièce de Messenger apparaissant sur leur avant-dernier album Sunless, paru en 2014. Avant cela, c'était l'artiste canadien Rhys Fulber et sa pièce Disused, tirée de son mini-album Resolve, paru en 2020. Et on entame sans attendre la prochaine séquence musicale avec la collaboration entre le groupe Anti-Pop Consortium et le pianiste Matthew Shipp. Surreal, that's relative, I don't doubt it. So I'll stop talking and be about it. Unity of the self in the surrounding world, encountered and felt expression of my impression perceived. Nourishes my soul as food does the body. Grown out of ideas, emotions for the images that power my external stimuli. Intrinsic rhythm that us to let us to cut. This fluid for fertilization had three organs for estimation. The three-eyed sperm, shapes of many moods, nights without smiles. Leaps beyond logic, link lyrics like ligaments, embryonic journeys. With no maps, black in his elegant as nature, based on my phonic combinations, not commonplace, won't promote self-hate. Virtual soul, full it off no time soon, but switching grant you the satisfaction, always as good as the first time. They take twats and traction, reaction in a cycle of action, a vulcan among sparrows and words of war, lips are frozen as a mass, pissed with padlocks, no fate, blood must flow after my mic in sloppy seconds. Surrender to eternity, swift to go forth and seeking perfection. You find it only in your ending. As pages turn, life continues and dying never stops. We grow in stages and learn to plant the seeds that spawn tomorrow. As pages turn, life continues and dying never stops. We grow in stages and learn to plant the seeds that spawn tomorrow. From the time I invest to finance your ruin, creating volumes and vacuum, giving a slap to the face of public taste. As popular as the plague, ripping rhetoric that raws rah-rah rap is dead. Pulling the tongue from its windpipes, placing my hands in its head like hair, checking the eyelids for holes, and feeding the dollar who ate its ability to discern. A bullet in the full fury of its flight, shot into the aimless space, can strip the sky of the stars. But you have not touched God. Thank you. design future worlds. They can design future worlds. By this time, you should have adjusted the volume of your phonograph, or record player, to a comfortable listening level for those with normal hearing, and set the tone controls as instructed on the jacket. As far as practical, all of the people listening should be seated approximately 6 to 8 feet from the speaker. Remember, once the volume control is set, do not readjust. Do not readjust. Audiomatique, cette séquence se terminait sur la musique du projet Loop Guru et sa pièce Aphrodite's Shoes de son album intitulé Dunia, The Intrinsic Passion of Mysterious Joy, qui est paru en 1994. Avant Loop Guru, c'était Meat Beat Manifesto et la pièce Future Worlds de l'album Subliminal Sandwich, publié en 1996. Et en début de séquence, c'était la pièce Real is Surreal, issue de la collaboration entre le groupe Anti-Pop Consortium et le pianiste jazz Matthew Shipp, une collaboration qui se matérialise sur l'album de Anti-Pop Consortium, tout simplement intitulé Anti-Pop versus Matthew Shipp. En conclusion de cette transmission 379 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous offrir la musique de Charles Mingus. Nous entendrons la pièce qui clôture son album The Black Saint and the Sinner Lady, qui est paru originalement en 1963. Cette pièce est subdivisée en trois sections, soit Mode D, Trio and Group Dancers, Stop, Look and Sing Songs of Revolutions, Mode E, Single Solos and Group Dance, Saint and Sinner Join in Merriment on Battlefront, and E, Mode F, Group and Solo Dance of Love, Pain and Passioned Revolt, then Farewell My Beloved Till It's Freedom Day. La transmission 380 d'Audiomatique deviendra une réalité sonore mercredi prochain dès 17h en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM. D'ici là, n'hésitez pas à consulter nos profils facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique afin d'accéder à toutes nos archives. Voici donc Charles Mingus et la pièce Trio and Group Dancers, Single Solos and Group Dance, Group and Solo Dance. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Thank you.